ciel devient trop lourd. Quand t'arrives plus à faire un pas, que tu cherches encore autour un signe qui ne vient pas. Je connais bien ta façon de dire c'est rien quand tout déborde, de cacher tes émotions, de faire semblant que rien t'emporte. T'avances le cœur serré, tu veux pas le dire, tu veux pas plier. Mais je te connais trop pour croire que c'est juste une mauvaise histoire. Je suis là pour toi quand le monde devient froid, quand t'as plus la force d'y croire. Je porterai tes histoires. Je suis là pour toi même si tu ne vois pas. On traversera la nuit ensemble et si tu tombes, moi je te rattrape. Je tremble, je suis là pour toi. Tu veux gommer tes faiblesses, te bâtir comme un soldat. Mais même les plus grandes forteresses ont besoin d'un toit. Tu supportes tout le poids du silence et des questions, et tu dis non, je peux pas. Quand je te tends une solution, mais tu peux lâcher prise. Je serai pas celui qui se dit tant pis, je resterai tant qu'il faudra. Même si t'y crois pas, je suis là pour toi quand le monde devient froid. Quand t'as plus la force d'y croire, je porterai tes histoires. Je suis là pour toi même si tu me vois. Si tu tombes, moi je te rattrape. Je tremble, je suis là pour toi. Même si ton cœur se ferme, même si la vie te déshabille, je serai là coûte que coûte pour te ramener dans la lumière. Laisse-moi juste être là, te rappeler qui t'es. T'es plus fort que ce que tu crois. Tu peux te laisser aider. Je suis là pour toi quand le monde devient froid. Et si tu n'y crois plus toi-même, moi j'y croirai pour deux, tu sais bien. Je suis là pour toi plus si quand tu crois.